Ou c'est des grosses roches que j'ai déposées dans le bois, puis j'ai refait des photos de ces roches-là dans la forêt. Ben, pour moi, le projet final, c'est les photographies, en fait. T'sais, mm-hmm. C'est pas juste une documentation, c'est une trace de ces objets-là que je continue de documenter parce qu'ils continuent de rester en forêt, en fait. Fait qu'il y a vraiment cet intérêt-là de travailler avec les deux médiums vraiment activement plus que juste l'un ou juste l'autre. Ce projet-là de recherche, donc les arbres d'eau, ça va être présenté? Oui, ça va être présenté. En fait, c'est présenté durant une exposition satellite de la Manif d'art qui a été remis depuis, on le sait, cette semaine à 2022. Oui. C'est vraiment ça le plan. Et normalement aussi, avec tout ce qui se passe, on se croise les doigts, mais à la Biennale de Saint-Jean-Port-Joli, de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli cet été. Ah oui, dans le cadre d'un expo collectif? Oui, avec les finissants de la Maison des métiers d'art. OK, ouais. Super! Mmh, vraiment. Donc, il y a quand même bientôt deux endroits là, où on va pouvoir apprécier cette recherche. Oui, je suis vraiment contente. J'ai hâte d'avancer le projet, de le finir, mais aussi de le présenter. Là, pour pouvoir en parler. Oui, vraiment. Mmh. Super! Ben merci, Catherine Labelle-Ouellette. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi. De la chanson « Une tempête » du groupe Bleu Nuit qu'on entendait, et juste avant l'entrevue entre Marie-Claude Drolet et Catherine Lebel-Ouellette. Quant à moi, j'avais envie de vous représenter un extrait de l'entrevue entre Gentiane La France et Amélie Laurence Fortin qui a été diffusée le 26 février 2020. Donc, ça a été enregistré en studio avant le confinement. Oui, les bons temps de nos rencontres en direct, en studio. On était là les deux en plus. Je suis presque sûre que c'est la dernière ou une des dernières qu'on a enregistrées en studio, justement. Puis je l'ai choisie pour différentes raisons. Mais la première, c'est vraiment la belle complicité entre vous deux. C'est vraiment, on l'entend dès les premiers mots en studio. Vous êtes tellement contentes de vous voir. Puis on dirait que vos cerveaux fonctionnent sur la même longueur d'onde là, quand vous vous posez les questions, mais de manière compréhensible pour les gens qui ne sont pas dans vos cerveaux, justement. Ben oui, j'ai eu l'occasion de développer une belle amitié avec Amélie Laurence Fortin dans les dernières années. Puis, comme elle était partie à Berlin pour toute l'année 2020, puis c'était une de nos rares occasions de se rencontrer, c'est sûr que la joie de se retrouver était palpable. Oui, c'est ça. Dans le fond, elle était revenue à Québec puisqu'elle présentait l'exposition « Le cercle d'Arcadie » à la Galerie des arts visuels. Puis, comme je le mentionnais en parlant du livre de Julie Delporte plus tôt dans l'émission, j'aime vraiment beaucoup ça, comprendre le processus de création d'un artiste. Puis, Amélie Laurence l'explique tellement bien dans cette entrevue-là. On comprend vraiment tout son processus jusqu'à l'intégration du système de ventilation qui est déjà présent dans la Galerie des arts visuels. Parce que, dans le fond, ça s'appelle le cercle d'Arcadie, en référence au cercle d'Arcadie sur Mars. Puis, c'est vraiment une recherche qui est liée, une réflexion aussi qui est liée à l'énergie, l'utilisation d'énergie, donc la force du vent, de l'air, en lien avec les vents solaires sur Mars, il y a des explosions. Il y a plein de choses, c'est assez différent comparé à ce qu'Amélie Laurence nous présentait avant. Mais c'est ce qui est intéressant aussi de sa pratique, c'est que on dirait qu'elle fonctionne vraiment par bulle d'idées, par projet. Donc, on voit que là, il y a eu un filon, puis elle l'a suivi jusqu'au bout.

Le diamant, qui a également un balado, donc un élément plus audio, qui accompagne la grande fresque de Zilon. Et puis, la Maison de la littérature, qui propose des illustrations là, qu'on peut voir de l'extérieur, de Paul Berdelot et d'Alexandre Dosti. Et au Grand Théâtre, en collaboration avec l'Orchestre symphonique de Québec, il y a des haltes symphoniques chez Sheherazade jusqu'au 18 janvier. Donc, une occasion de découvrir des œuvres musicales à l'extérieur, en distanciation, de manière sécuritaire. Exactement. Donc, c'est ainsi que se termine cette édition de l'Aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. C'est aussi le meilleur moyen de savoir ce qui se passe dans l'actualité des arts visuels à Québec, puisque nous gardons un calendrier le plus à jour possible. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et sur Instagram. Merci, Gentiane Lafrance, d'avoir été avec moi ce soir. Merci, ça a été un Myriam. Plaisir de te retrouver. Et puis merci toutes nos chroniqueuses, nos chroniqueurs de l'année 2020, évidemment, et celles et ceux qui vont rester avec nous pour l'année 2021. Merci à nos invités qui nous ont accompagnés. Et puis un salut tout spécial à notre riopelle de la mise en onde, Jacques Gignac, à la maison. Donc, on a très hâte de retrouver en studio un jour, peut-être. Oui, c'est ça. On garde espoir. Donc, on se laisse sur une dernière piste de l'album, Le Jardin des mémoires du groupe Bleu Nuit, et on se dit à la semaine prochaine.